juger sans te connaître, moi j'ai compris que tu souffres. Tu crois que tu vois rien, donc tu donnes tout à eux tous. Absence de père, l'autorité a du mal à marcher. Absence de mère, ton modèle de femme s'est noyé. T'as avoué à une seule pote que t'as déjà été violé. Tu pleures seul dans ta chambre car t'as un cas isolé. Tu veux pas d'un gars qui te chantera son amour tout le temps. T'es bizarre, tu t'attaches comme mec froid et distant. Tu donnes aux hommes qui passent une fois que personne te regarde. T'es plus une enfant de cœur, tu pourrais vendre cet organe. Faire l'amour sans s'attacher en fait, pour toi c'est plus sûr. Pareil que dans le noir, on voit mieux ses blessures. Voutrer dans la luxure, tu risques d'en faire carrière. Tu passes de chambre en chambre, pourtant t'es pas l'infirmière. T'as mal, alors tu donnes, ouais. T'as mal, alors tu donnes, ouais. T'as mal, alors tu donnes, pour soigner tes blessures. T'as mal, alors tu donnes, car le temps t'a laissé. T'as mal, alors tu donnes, pour soigner tes blessures. T'as mal, alors tu donnes, car le temps t'a laissé. Y'a que quand je te l'aurais mise que j'aurais cité un bon fond. Dans tes histoires, y'a pas de rupture à la fin. Pour changer ton corps, tu t'es tatoué de langue sur des blessures que tu peux pas avouer. Prise à ton propre piège, devant ton miroir. Car ton corps de rêve te fait vivre un cauchemar. Y'a que ton portable qui connaît tes dossiers. Ton charme a des critères que le sexe aimerait embaucher. T'avances pas à pas vers le porno. Tu t'éloignes de tout sentiment normaux. Faire l'amour à plusieurs, mais c'est chacun son tour. Dans une boîte de nuit, l'amour ne va pas jour. Mariage, enfant, maison, pour toi c'est de la fiction. Méfiant, divorce, querelle, là ça paraît plus réel. T'as mal, alors tu donnes. T'as mal, alors tu donnes. Ouais. T'as mal, alors tu donnes, pour soigner tes blessures. T'as mal, alors tu donnes, car le temps t'a laissé. T'as mal, alors tu donnes, pour soigner tes blessures. T'as mal, alors tu donnes, car le temps t'a laissé. T'as mal, alors tu donnes. T'as mal, alors tu donnes. T'as mal, alors tu donnes. T'as mal, alors tu donnes.